29. Le joueur généreux. Hier, à travers la foule du boulevard, je me suis senti frôlé par un être mystérieux que j'avais toujours désiré connaître et que je reconnus tout de suite, quoique je ne l'eusse jamais vu. Il y avait sans doute chez lui, relativement à moi, un désir analogue, car il me fit en passant un clignement d'œil significatif auquel je me hâtai d'obéir. Je le suivis attentivement et bientôt, je descendis derrière lui dans une demeure souterraine éblouissante où éclatait un luxe dont aucune des habitations supérieures de Paris ne pourrait fournir un exemple approchant. Il me parut singulier que j'eusse pu passer si souvent à côté de ce prestigieux repère sans en deviner l'entrée. Là, régnait une atmosphère exquise, quoique capiteuse, qui faisait oublier presque instantanément toutes les fastidieuses horreurs de la vie. On y respirait une béatitude sombre, analogue à celle que durent éprouver les mangeurs de lotus quand, débarquant dans une île enchantée, éclairée des lueurs d'une éternelle après-midi, ils sentirent naître en eux, aux sons assoupissants des mélodieuses cascades, le désir de ne jamais revoir leurs pénates, leurs femmes, leurs enfants, et de ne jamais remonter sur les hautes lames de la mer. Il y avait là des visages étranges d'hommes et de femmes, marqués d'une beauté fatale, qu'il me semblait avoir déjà vue, à des époques et dans des pays dont il m'était impossible de me souvenir exactement, et qui m'inspiraient plutôt une sympathie fraternelle que cette crainte qui naît ordinairement à l'aspect de l'inconnu. Si je voulais essayer de définir, d'une manière quelconque, l'expression singulière de leur regard, je dirais que jamais je ne vis Dieu brillant plus énergiquement de l'horreur de l'ennui et du désir immortel de se sentir vivre.